Le comité espagnol commémoratif du 5e anniversaire du décès du généralissime Kim Jong-il a été constitué le 1er novembre. Il a décidé d'établir le homme-page consacré à l'anniversaire du décès de Kim Jong-il pour présenter largement ses œuvres classiques et ses exploits impérissables et d'organiser des activités politiques et culturelles comme rendez-vous et séminaires sur ses exploits.